Yeah, Woodley. Tu vois, voici le résultat de nos efforts, hein. L'hypocratie, tu t'en souviens encore. Let's go. Tu vois, j'ai passé 1000 jours, 1000 nuits à bâtir. Rature et temps d'effort au nom de tous mes satires. Avis à toi qui n'a le style et s'estime rappeur. Moi, j'ai l'enfance volée pour mon armée créateur. On m'a dit, t'as pas le style, t'as pas l'allure, t'as pas le look, t'as pas le flow, t'as pas le. Allez, vas-y, barre-toi. Petit copiste de bouffon, je sens que tu me connais pas. Et dis ce que tu veux dans mon manque des notes sans mon bras droit. Et puis la nuit tombe et tu m'entends encore péra. Décris-moi la prolificité du flow comme avec la guérilla. Voici mon simple et triste épopée de mon microphone. Pelle l'histoire de ma vie et celle de mes do ré mi fa sol. Périmé, délectable à brute réalité. Si tu me parles démocratie, je te répondrai hypocratie. Voici leur mot crasseux, dis-moi qui paye les pots cassés. Vu que c'est comme ça, bienvenue au Canada. J'ai passé tant ans souhaitant même primer. Je me vois dans la chambre écrire les couplets de la famille. Mais parfois les temps sont durs, fidèle à sa musique. J'aime mes mots, complicité céleste, beauté féerie. Il fallait financer studio d'or, trouver des shows. Je nous revois chaque occasion nous faisant dévier les mots. Jouer du micro, le remettre contre le mot. Y'avait le drame, un tour à Maliotenam. Grâce à ça on a pu payer le mix tant bien que mal. Il a fallu arrêter l'école pour que le tout décolle. Petit t'inquiète pas, fallait être fidèle à mon rôle. Voici mes munitions de base et sources de nos basses. Regarde, ces destructions a été la première devanture. Merci G, ouais, merci pour toute l'aventure. Voici l'hypocratie, voici couler notre encre. Représentant un système basé sur le manque. Sur l'album, ah. Et voilà, l'aventure tire à sa fin. Ah. LB Woods, l'hypocratie. Ah. On se reverra. Yo, man. À la prochaine.